comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 21e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine, alors qu'on a à nouveau une émission très spéciale à vous présenter. D'abord, si on commence avec l'actualité, c'est dans ce genre de situation, dans le genre de situation comme celle qu'on a vécue cette semaine, que je me suis toujours plu à dire à mes étudiants à quel point j'étais heureux d'avoir choisi l'histoire de la Chine plutôt que l'histoire des États-Unis. Alors, si vous le voulez bien, comme on a amplement discuté de l'actualité la semaine dernière, on va laisser de côté pour cette semaine l'actualité et on va se lancer tout de suite avec le programme de l'émission, qui est un programme relativement chargé et, comme vous allez le constater, malgré ce que je viens de mentionner, les États-Unis ne sont jamais vraiment loin du programme. On va d'abord reprendre aujourd'hui là où nous étions rendus dans le chapitre 8 que nous avons amorcé dans le cadre de l'émission numéro 19. Chapitre qui, si vous vous rappelez bien, porte sur l'histoire de la présence des Occidentaux en Chine, de Marco Polo jusqu'à Matteo Ricci. On va aussi, dans la deuxième partie de l'émission, recevoir un étudiant qui est inscrit au doctorat en histoire à l'UQAM, ainsi qu'en sciences politiques à l'Université Laval. Il s'agit de Clément Broche, dont les recherches actuelles portent sur l'histoire des relations entre la Chine et l'Afrique de 1949 à aujourd'hui. Clément a accepté l'invitation de venir nous parler d'un livre qu'il vient tout juste de publier en novembre dernier, et qui s'inspire des recherches qu'il a précédemment réalisées dans le cadre de sa maîtrise. Le titre du livre en question est « Mao, Panthère noire et tigre de papier, la Chine communiste et le Black Panther Party, 1966-1972 », publié aux presses de l'Université Laval, et c'est un livre qui, comme nous le verrons plus tard au cours de l'émission, traite des différents enjeux de la relation complexe entre la République populaire de Chine, le maoïsme et le Black Panther Party dans le contexte de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains ainsi que dans le contexte plus global de la guerre froide. C'est un livre qui promet donc un programme très riche dont nous découvrirons ensemble dans la deuxième partie de l'émission. Par ailleurs, et comme c'est le cas à chaque fois, je demande à mes invités de me proposer des pièces musicales. Et les trois chansons qu'on va entendre aujourd'hui ont toutes été proposées par l'invité de la journée. La première et la dernière chanson qu'on va entendre aujourd'hui vont nous replonger dans le contexte historique des années 1960. À une époque où c'était un peu la mode partout sur la planète, de reprendre des succès populaires américains et de les réinterpréter avec une saveur locale. On l'a vu abondamment ici au Québec, avec les Baronets ou avec les Classelles. On l'a vu en France avec Johnny Hallyday et compagnie, mais aussi dans le monde chinois, particulièrement dans les régions de Hong Kong et de Singapour. Sans même comprendre la langue, vous n'aurez aucune difficulté à reconnaître les chansons, et même peut-être à les fredonner tellement vous les connaissez déjà. Alors, on commence tout de suite ce voyage dans le temps avec une pièce interprétée en 1968 par Betty Chung, une chanson qui nous parle de séduction, mais aussi de déception et de trahison. Voici donc la chanson « Bang Bang » interprétée par Betty Chung. Bang bang, 只要你做 bang bang。 Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre le récit de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Alors que nous nous étions arrêtés la dernière fois au cœur du chapitre 8 portant sur la présence des Occidentaux en Chine. Nous avions parlé, si vous vous souvenez bien, de la stratégie d'évangélisation développée par Matteo Ricci, stratégie qu'on nomme l'inculturation. Et qui reflète une interprétation radicale des évangiles qui contraste avec la pensée européenne de l'époque moderne. On le voit par exemple parfaitement résumé dans ses propos du Père Lecomte. Nous tâchons de nous faire tout à tous, pour gagner plus aisément tout le monde à Jésus-Christ, persuadés que dans un missionnaire, les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, les coutumes extérieures, doivent toujours être rapportés au grand dessein qu'il se propose de convertir toute la terre. Il faut être barbare avec les barbares, poli avec les gens d'esprit, austère à l'excès parmi les pénitents des Indes, proprement habillé à la Chine et à demi-nu dans les forêts de Madurée. La mission des Jésuites de Chine, qui misait d'abord sur la stratégie de se faire chinois avec les Chinois, eut donc de nombreux succès auprès des autorités impériales. Surtout si on considère que, parmi les responsabilités fondamentales de l'empereur de Chine, on retrouve en tête de liste une fonction d'ordonnancement du temps, à partir de rituels, de symboles et surtout la mise en œuvre d'un calendrier précis. Or, en 1644, les Jésuites sont arrivés à prévoir une éclipse avec une précision plus grande que ne l'avaient fait les astronomes chinois et arabes, principalement en raison de la précision de leurs calculs en astronomie. Les Jésuites se virent confier par les empereurs de la dynastie Qing la présidence du Bureau impérial d'astronomie, qu'on appelle aussi parfois le tribunal des mathématiques, qui avait notamment pour fonction essentielle la réalisation du calendrier. C'est d'abord le jésuite allemand Adam Schall von Bell qui occupa ce poste prestigieux à partir de 1644, puis le jésuite flamand Ferdinand Verbiest. Au final, quand on observe les contributions des jésuites de Chine, dans le contexte plus vaste des échanges entre la Chine et l'Occident, on constate que celles-ci sont monumentales et qu'elles touchent à une série de domaines très variés. Les principaux domaines de ces contributions touchent à la médecine, incluant l'utilisation de la quinine, le chocolat et le vin rouge, l'astronomie, les mathématiques, la cartographie, incluant non seulement la carte mondiale de Ricci, mais aussi les projets de cartographie impériale au 18e siècle. Les Jésuites ont aussi contribué à l'art de la guerre en fondant pour le pouvoir chinois des canons. La peinture, avec notamment l'œuvre de Giuseppe Castiglione qui a introduit le réalisme et les pratiques du clair-obscur. L'architecture, les secours populaires, notamment dans le cadre d'inondations. Les Jésuites ont aussi joué un rôle de premier plan dans la diplomatie internationale de la dynastie Qing, alors que les Jésuites Gerbillon et Pereira avaient été mandatés par l'empereur Kangxi pour négocier avec la Russie le traité de Nerchinsk de 1689, événement qui était au cœur de ma thèse de doctorat et sur lesquels je reviendrai prochainement. Le résultat de toutes ces contributions positives fut que les Jésuites sont parvenus à acquérir une excellente réputation auprès de l'empereur Kangxi, qui leur promulgua un édit de tolérance religieuse en 1692. Et c'est sur ce point que nous plongeons dans le troisième point du chapitre 8, une section qui est intitulée « La querelle des rites chinois ». La mission chrétienne de l'époque moderne en Chine a obtenu de nombreux succès notoires. Et il s'agit d'un moment crucial dans l'histoire des échanges entre la Chine et l'Occident. De nombreux spécialistes, tant en Chine qu'en Occident ou ailleurs, ont étudié cette vaste période d'interaction pour tenter de mieux comprendre le processus de transmission et d'hybridation du savoir qui se déroule alors entre les civilisations impliquées. En marge de tous les succès qu'ils ont obtenus, les missionnaires ont bien sûr été confrontés à des obstacles considérables. Et ils ont aussi rencontré de nombreuses difficultés sur le terrain, certaines étant liées parfois à des malentendus, parfois à de l'incompréhension brute ou à de la confusion sur la signification des termes employés pour traduire des réalités complexes. Mais les difficultés pouvaient aussi résulter parfois tout simplement de la jalousie sociale exprimée par des acteurs impliqués dans les cercles du pouvoir. Parmi les meilleurs ouvrages qui ont abordé ce moment privilégié de l'histoire des relations entre la Chine et l'Occident, on doit bien sûr souligner le livre classique de Jacques Gernet, « Chine et christianisme, action et réaction », publié en 1982 aux éditions Gallimard. Signe des réactions parfois positives que les jésuites pouvaient susciter en Chine, mais qui était aussi accompagné de questionnements. On retrouve ce commentaire très riche exprimé par un dénommé Chang Chao en 1669. Ces gens-là sont extraordinairement intelligents. Leurs études portent sur l'astronomie, le calendrier, la médecine, les mathématiques. Leurs mœurs sont faites de loyauté, de bonne foi, constance, droiture. Leur habileté est merveilleuse. Ils ont vraiment de quoi emporter l'adhésion des esprits. Il est seulement dommage qu'ils parlent d'un maître du ciel, terme incorrect et rebutant qui les entraîne à des absurdités que nos lettrés ont le plus grand mal à admettre. S'ils pouvaient laisser de côté cette conception, et n'en pas parler, il serait très proche de notre confucianisme. Jamais notre confucianisme n'a dit que le ciel avait une mère, ni qu'il avait une forme corporelle. Et il n'a jamais non plus parlé d'événements qui se seraient produits avant et après sa naissance. Même si plusieurs lettrés chinois se laissèrent convaincre par le message des jésuites, les sources de tension étaient nombreuses et on voit que la traduction et l'explication de nombreux concepts et des dogmes théologiques suscitaient parfois des problèmes de traduction et d'acceptation dans la population qui recevait ces discours. Qu'il soit question d'expliquer l'incarnation divine, la Trinité, la virginité de Marie, la création du monde, ou le simple fait que Jésus ait été crucifié comme un vulgaire criminel, tous ces éléments suscitèrent de vives interrogations auprès de la population chinoise. Par exemple, dans les documents relatifs à un procès qui s'est tenu à Nankin en 1616-1617, on retrouve la critique d'un fascicule qui circulait alors dans les villes et dans lequel on pouvait lire que le nom du maître du ciel est Yesu et que sa mère est Maliya. Ce n'est donc qu'un barbare de l'Occident. Ils disent aussi qu'il mourut cloué par de mauvais fonctionnaires sur un échafaudage en forme de caractère 10. Notons ici que le caractère chinois qui signifie le chiffre 10 ressemble à une croix. Puis, le texte continue. Ce n'est donc qu'un condamné à mort barbare. Comment pourrait-on appeler maître du ciel un barbare supplicié? Comment peuvent-ils imaginer que, dans notre Chine, personne ne s'apercevra de leur supercherie? En fait, même si nombreux sont ceux qui eurent une opinion favorable à l'égard des jésuites et de leurs enseignements, plusieurs se montrèrent très critiques. Comment font foi ces commentaires datant du début du 17e siècle, alors que certains voient dans leur entreprise une menace pour l'ordre public, et qu'on critique leur art de s'insinuer et de jeter le trouble dans les esprits? On disait par exemple, ils cachent leur fourberie sous un air de loyauté, mais leur intention secrète est de détruire tous les cultes et toutes les traditions morales et philosophiques de la Chine. Les missionnaires ont parfois été confrontés à de la jalousie de la part des membres du clergé bouddhiste, mais aussi des lettrés à l'occasion. Et parmi les querelles célèbres, on peut mentionner en tête de liste la querelle ayant opposé Yang Guangxian à Adam Schall en 1665, alors que ce dernier était à la tête du Bureau impérial d'astronomie. Suite aux accusations de conspiration et de complot qui furent lancées contre le jésuite par Yang Guangxian, Adam Schall fut déposé de son poste et il fut condamné à mort. Mais toutefois, il fut épargné par la grâce impériale de l'empereur Kangxi en raison de l'âge avancé du missionnaire, mais aussi en raison des services qu'il avait rendus pour la dynastie. La mémoire de Schall fut ensuite réhabilitée quelques années plus tard par Ferdinand Verbiest, qui prit à son tour le contrôle du Bureau impérial d'astronomie et encore une fois grâce à une plus grande précision dans ses calculs astronomiques. Les obstacles de nature interculturelle qui ont été rencontrés par les jésuites au sein de cette relation entre la Chine et l'Occident ont été très importants. Mais ces obstacles ne sont rien en comparaison avec les difficultés qu'on pourrait dire intra-européennes rencontrées par les missionnaires, incluant les rivalités nationales entre les couronnes européennes et les rivalités entre les différents ordres religieux qui étaient impliqués dans la mission de Chine. En fait, le plus grand péril qui a remis en question la pérennité de la mission chrétienne de Chine n'était pas lié à une incompréhension culturelle ou à une différence inconciliable entre les peuples comme on pourrait être porté à le croire, mais plutôt à des questions d'ordre théologique qui étaient débattues dans le confort des palais européens. Mais nous poursuivrons avec cette question lors de notre prochaine émission. Comme indiqué au début de la rencontre d'aujourd'hui, nous allons vous présenter dans la deuxième partie de l'émission une entrevue réalisée à distance avec Clément Broche, candidat au doctorat en histoire à l'UQAM et en sciences politiques de l'Université Laval. Mais avant d'écouter cet entretien que nous avons eu le 23 janvier dernier, on retourne tout de suite en musique avec une deuxième pièce qui nous vient cette fois de la fin des années 1980. C'est une chanson qui est interprétée par Sally Ye, chanson qui figure comme la chanson thème du film The Killer, réalisé en 1989 par John Woo. Voici donc la chanson Tian Zui Yi Sheng, interprétée par Sally Ye. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause avec l'entrevue réalisée avec Clément Broche. 天我在流连，这心漂泊每朝每夜，多么想找到愿意相随同伴，使这心莫再漂泊。愿那一天你来临时，轻轻给我你的接受，给我知道眼眸里的人承诺的一切永没改变。有得到我愿寻求，得到的怎会不接受，尽管想拥有但却只能期待，始终浅醉在心里。 一天，浅醉过一生。